cours numéro 31. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dhikru al-zajri an qabul qawli al-wusha. Donc, dans ce chapitre, et c'est le 31e, ذكر رحمه الله أن العاقل يدوى سكرت هذا قبول قول الوشا هي ne pas accepter les informations de هؤلاء الوشا. Pour comprendre ce verbe, bien sûr, il faut comprendre ce mot. Et الفيروز أبادي رحمه الله dans son célèbre dictionnaire القاموس المحيط قال وش كلامه كذب فيه. Ça nous montre أن الوشاء c'est ce qui ment. وكذلك قوله وش به إلى السلطان وشيا ووشاية. فالوشاء c'est ce qui applique هذا الوشاية. C'est quoi الوشاية؟ قال نم وسع. C'est ce qui se précipite à propager certaines informations, certaines paroles. Donc on a deux choses. On a le fait de se précipiter à propager et on a le mensonge. Thumma qala rahimahullah, toujours dans Al-Qamus Al-Muhit, washa al-kadhib, alifahu walawwana wazayyana. Kadhalik min sifati haula al-wusha, annahum avec leur mensonge, كذلك ils embellissent et ils déforment et ils amplifient cette information qu'ils veulent propager. قال ألف, ça devient une habitude. ولون, لون ça vient du mot لون, il donne une couleur, il déforme. وزين, et il embellit cette chose. فهو وش جمع وش, donc الوش c'est le pluriel et le singulier c'est وش. Ça ressemble, donc on peut résumer un al-wusha, c'est un namamun, c'est ceux qui médisent, ceux qui mentent, ceux qui déforment, ceux qui avec hadhihi an-nuqulat, en propageant ces informations et ces paroles, leur objectif c'est al-fitna, c'est de semer la division. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-azim qala يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية من سورة الحجرات. شيخ سعدي رحمه الله قال إلى كلام جميل dans son تفسير عن هذه الآية قوله. Donc on répète يا أيها الذين آمنوا, خطاب لجميع المؤمنين. On est tous concernés en tant que croyants. إن جاءكم فاسق بنبأ, النبأ c'est une nouvelle, une information. فسي un fasiq c'est celui qui est connu pour faire des péchés, qui a des problèmes في إيمانه. فهذا si il nous apporte une information, une parole, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالواجب c'est un tabayyun. Tabayyunu, vous devez faire attention, vérifier cette information. An tusibu qawman bi jahala. Limadha? Lianna, ça peut être un mensonge, ça peut être une déformation. Zad wa naqas. Donc, ça peut être une cause de faire du mal. Qala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ça peut être une cause kadhalik de regret. Falihadha at-tathabbut. والتبين في مثل هذا الحال سي امبورطون. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا ايضا من الاداب التي على اولي الالباب التادب بها واستعمالها. Ça ça fait partie des comportements que ulul albab. Ulul albab c'est اهل العقول السليمه. Ça ressemble au mot uqala. Et c'est exactement le thème de notre livre, de notre étude. فمن أدب هؤلاء قال وأيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ، أي خبر، donc c'est un fasiq et nous informe d'une chose et il est connu pour son manque de foi, sa manque de piété, ses mensonges ou ses péchés. في هذا الحال قال أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا. Dans ce cas, on n'accepte pas directement cette information. قال فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم. C'est très très grave. C'est un énorme danger pour la communauté d'accepter خبر هؤلاء. قال إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل. Donc on n'a pas le droit de mettre au même niveau l'information de هذا الفاسق, ce فاسق, au même niveau que l'information d'un croyant عدل, صادق, véridique, connu pour la piété, connu pour la crainte d'Allah عز وجل. قال حكم أو حكم بموجب ذلك ومقتضاه فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. وصدق الشيخ رحمه الله. Le fait d'accepter cette information, ça peut être une cause, comme قال من تلف النفوس. Des gens, ils peuvent perdre la vie. كذلك des gens, ils pourront perdre leur bien بغير حق. Pourquoi? À cause de cette information. Et tout ça, ça va causer quoi? An-nadama, les regrets pour celui qui a accepté, pour celui qui a propagé هذا الخبر. Au lieu de vérifier à la base, كما أخبر الله عز وجل. قال بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين. Ça c'est une obligation. الدليل, on le répète, قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمر من الله, c'est un ordre. فتبينوا. Et la base dans les ordres, c'est l'obligation. قال رحمه الله فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق. كلام جميل. Si après cette vérification on s'aperçoit que cette information, cette parole, elle est véridique, أي أن صاحبها, il est véridique dans sa parole, enfin on l'accepte. Ça nous montre أن on rejette pas complètement. Vous avez remarqué que Allah عز وجل قال فتبينوا. Et on doit vérifier. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il est véridique. Lakin, vu qu'il a des caractéristiques qui peuvent le pousser à mentir, à déformer, à ajouter, à enlever certaines choses, في هذا الحال, on est obligé de vérifier. قال وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به. Si par contre, après vérification, on s'aperçoit que c'est un mensonge, alhamdulillah, le mensonge, on le rejette. قال ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول. نعم. فمنطوق الآية c'est un دليل clair qu'on doit vérifier. On doit vérifier خبر الفاسق, l'information du فاسق. ومفهوم الآية, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? كذلك أن si c'est pas un pervers, si c'est un صادق من العدول, on accepte son information. قال وإن دلت قرأنا قال وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه. Donc on a trois cas. On a خبر الصادق, l'information du véridique, il est connu pour ne pas mentir, il est connu pour sa crainte d'Allah عز وجل. ففي هذا الحال on accepte son خبر. On n'a pas le droit de rejeter son خبر, de douter via la base, c'est un صادق, on accepte sa parole. Et il y a plusieurs adillah fi hadha. Et parmi les preuves qu'on a déjà citées, qissat Ibn Umar radiyallahu anhu, quand la qibla elle a changé, et quand il est passé devant un groupe de mu'minoun qui faisaient as-salat dans un autre masjid, ils n'avaient pas fait salat avec Nabi alayhi salatu wassalam, et ils ne savaient pas qu'il fallait changer de direction, et ne plus faire la salat en direction de Bayt al-Maqdis, mais se tourner en direction du sud, de Mecca. Quand Ibn Umar radiyallahu anhu les a informés, ils ont tous accepté, ils se sont tous directement tournés en pleine salat en direction de Mecca. Ils ne lui ont pas demandé plus d'informations, mais il a abatan, vu que c'était Ibn Umar, sahabi al-jalil radiyallahu anhu, ils ont tous accepté son khabar. Limada, lianna al-khabar il venait d'un sadiq thiqa, sahabi. Et ils ont accepté, c'est un dalil parmi al-adillah. قال وخبر الكاذب مردود. Deuxième cas, le khabar du menteur. Il est connu pour mentir. C'est plus fort que al-fasiq. كذاب من الكذابين, مفسد من المفسدين. On rejette. On rejette son information. Jusqu'à qu'on n'a pas de, tant qu'on n'a pas de dalil que ce qu'il dit c'est le haq. أما الفاسق فنتوقف. Il a des faiblesses dans la foi. Il fait certains péchés. Enfin, sa parole, on ne peut pas être sûr qu'il dit al-haq fi hadha al-hal. Enfin, on applique le verset at-tawaqquf. On vérifie. قال ولهذا كان السلف يقبلون رواية كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. خاصة à cette époque, ils avaient besoin de certains de ces riwayat. Et certains de ces rapporteurs, ils avaient hadha al-fikr, fikr al-khawarij. فالأئمه المحدثون, ils ont rapporté certains khabar de haoula, certains hadith où ils étaient dans la chaîne de transmission haoula al-khawarij, lakin avec cette condition, annahum, ils étaient connus pour as-sidq, ils étaient connus pour ne pas mentir. فالعلماء, ils ont accepté certaines narrations de haoula. فراجع كلام الشيخ سعدي رحمه الله dans son tafsir, donc من سورة الحجرات, le verset numéro 6. قال أبو حاتم رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أسماء قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم وكأنه يقال كذلك ينم الحديث فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. هذا من أحاديث الوعيد, une menace du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. النمام, c'est celui qui fait un namima, et la médisance. حذيفة رضي الله عنه, il a entendu un homme qui faisait de la médisance. Fa-qala, il a dit après avoir entendu ce péché, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam dire la yadkhulu al-jannata namam. An-namam, il ne rentrera pas au paradis. Hadha awwalan tastafid minhu anna fi an-nahy 'an al-munkar, ou quand tu veux conseiller, enfin, tu dois faire des efforts pour conseiller avec kalam al-Nabi alayhi salatu wassalam. Limadha li'anna ce mu'min ilam al-Nabi alayhi salatu wassalam. Wa la shak anna akbar wa'idh c'est ma ja'a fi al-Qur'an wa fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wassalam. Le meilleur rappel, c'est al-Qur'an al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Amma le conseiller avec autre, sans preuve, de la mauvaise manière, ça peut pousser هذا الانسان à rejeter le haq, ولو si c'est du haq. فالنبي فحذيفة plutôt رضي الله عنه, il a directement cité la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. لا يدخل الجنة نمام. Ça veut pas dire que un nammam il rentrera en enfer éternellement et que c'est un kafir. Là, هذا c'est من احاديث الوعيد. لكن il peut ne pas rentrer au départ. لا يدخل الجنة اي دخولا اوليا. Et على كل حال العلماء citent هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم pour mettre en garde contre هذا الذنب العظيم. Ça fait partie de الكبائر النميمة. Et on a déjà cité هذا dans ce livre et dans d'autres cours. On peut ajouter quelques adillah avant de lire كلام ابن حبان رحمه الله من رياض الصالحين. الإمام النووي رحمه الله إلى أن شابتر طيب في تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. L'interdiction de الغيبة, de la médisance, de النميمة, la calomnie, et الأمر, l'obligation de préserver sa langue. هذا اللسان, c'est un organe très très petit. لكن ربما يسبب هلاك الإنسان أو فوز الإنسان. Cette langue, ça peut être une cause qui pousse l'insan à sa perte. Et Kadali, ça peut être une cause qui pousse l'insan à la guider, à tout le bien, au paradis. Donc, on doit faire attention d'utiliser هذا اللسان في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني في attention de ne pas utiliser هذا اللسان فيما يسخط الله عز وجل. Et c'est nous les perdants في هذا. Celui qui maîtrise pas la langue, c'est lui le perdant. تأمل هذه الأدلة. قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله سبحانه وتعالى il a comparé ceux qui parlent sur leurs frères كأنهم ils mangent leur chair. Et la chaque أن personne n'aimerait manger la chair de son frère. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فكرهتموه. Tout le monde déteste هذا. Et personne n'accepterait Ada de manger la chair de son frère. Akada, celui qui médit, celui qui calomnie. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadith Abi Moussa radiyallahu anhu, man salima, ou plutôt Abu Moussa qala, qultu ya Rasulallah, ayyul muslimin afdal, qala man salima al muslimun min lisanihi wa yaddih, muttafaqun alayhi. Comme on fait des efforts, et on doit s'écarter de tout ce qui peut faire du mal, causer du tort à nos frères, que ce soit avec nos mains ou avec nos langues. وربما كلمة تضر وتسبب أضرار ومفاسد أكثر plus que un acte avec les membres. وفي حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui me garantit deux choses. ما بين لحييه أي sa langue. وما بين رجليه أي il s'écarte du haram, de الفاحشة, de الزنا. Il se préserve. أضمن له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لي garantit الجنة. الحديث il est في الصحيحين. Ça nous montre أن هذا demande un jihad. Ça demande un jihad. Comme l'insan, il doit se maîtriser pour ne pas tomber dans zina, dans le fahisha, dans le munkar, iyadun billah. Kadalik, il doit faire cet effort pour maîtriser sa langue. Encore plus في هذا الزمن. هذا الزمن أن كثيراً من المسلمين وقعوا في هذا الذنب. Et si on ne fait pas attention, نحن أحيانا ربما توي في جلسة في مكان les gens يغتابون ويتكلمون. Et أنت tu peux très très vite glisser معهم. لماذا؟ لأن cette époque où on vit لا تعين على كثير من على نعم لا تعين على ترك هذه المحرمات en général. Encore plus avec ces réseaux sociaux. Il y en a à l'époque, un namima, c'était avec la langue, c'était restreint à cela. Ils n'avaient pas tous ces moyens de communication. Amma, à notre époque, fait les messages vocaux et les appels et dans les réseaux sociaux, des comptes, des. Na'outu billah. C'est l'insan, il ne se maîtrise pas. Ça nous montre que d'alik, un namima, c'est pas qu'avec la langue. À notre époque, que d'alik, avec les doigts. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a cité la langue, لأن à leur époque et en général la médisance c'est avec la langue. وإلا celui qui calomnie, qui médit en écrivant, en utilisant ses doigts, même s'il se tait, فلا شك أنه il commet cet énorme péché. فالحذر تأمل قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. العبد أي certains يتكلمون بالكلمة ils disent des paroles ما يتبين فيها ils ne font pas attention ils se laissent aller. خاصةً on a dit avec certaines fréquentations ça devient normal, le cœur est durci و النهي عن المنكر devient قليل. À notre époque قليل celui qui dit on s'arrête, pourquoi on parle sur un tel. ففي هذا الحال قال ما يتبين فيها يزل بها إلى النار. Cette parole, c'est la cause qui le pousse à tomber dans l'enfer. أبعد مما بين المشرق والمغرب. تأمل cette distance, cette chute dans le feu. Elle est encore plus loin que la distance entre المشرق l'ouest, ou l'est plutôt, et المغرب l'ouest. Des milliers de kilomètres. Et dans l'autre hadith, 70 kharifa, 70 ans. فعلى كل حال, هذا الذنب, on doit faire attention, أولاً, de nous-mêmes de ne pas faire هذا الذنب, et ثانياً, de ne pas propager كذب الكذابين وقول النمامين. Vous avez remarqué que le chapitre de Ibn Hibban, رحمه الله, قال ذكر الزجر عن قبول قول الوشاء. Il a déjà mis en garde dans ce livre, rahmatullah alayh, contre la médisance elle-même. ولكن هنا, c'est une mise en garde contre le fait d'accepter leurs paroles. لماذا؟ لأن بعض الناس ils ne font pas un namima. Ils ne parlent pas sur les gens en général, لكن ils écoutent. Ils écoutent et l'obama ils propagent ce que les autres ils disent, même si eux à la base ils n'ont pas parlé. وهذا كذلك سيأتي معنا أنه c'est très très grave. Et راجعوا هذا الباب من رياض الصالحين. Il est très très très très مفيد. قال ابن حبان رحمه الله تعالى الواجب على الناس كافة مجانبة الإفكار في السبب الذي يؤدي إلى البغضاء والمشاحنة بين الناس والسعي فيما يفرق جمعهم ويبدد شملهم. فالعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرنا ولا يقبل سعاية الواشي. الواشي donc c'est le singulier de الوشاء, أي ceux qui propagent النميمة. قال بحيلة من الحيل ولعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبة بفعله ذلك. Donc الواجب على الناس c'est de s'écarter de هذا. C'est une cause de البغضاء. لأن ton frère مؤمن, s'il sait que tu le critiques, que tu parles dans son dos, directement son قلب سيمتلي من هذه البغضاء والشحناء. Comme من الناس, il ne se parle plus. بل بعضهم ils se détestent bourde شديد à cause de النميمة. Parce que l'un d'entre eux il a critiqué l'autre. Ça fait beaucoup de mal. لماذا لأن النميمة c'est une trahison. خاصة quand cette نميمة elle vient de quelqu'un que tu respectes, que tu aimes. De قريب, quelqu'un de proche. فأنت تريد منه النصرة والمحبة والأخوة. أنت tu espères de ce proche, de cet ami qu'il te secourt si quelqu'un parle sur toi, qu'il t'aide. Et cet amour, ce respect mutuel, tu ne penses pas à où il te critique. Enfin, si واحد il rapporte en a un tel que un ta, tu ne pensais pas qu'il parlerait sur toi, il parle sur toi, ça fait beaucoup de mal. ثم réparer les pots cassés c'est très très difficile بعد ذلك. وإلا تقدم معنا أن العفو pardonner etc c'est مطلوب. لكن في هذا الحال même si ce frère ou cette sœur qui a fait de la médisance, qui a accusé, critiqué injustement, même si cette personne elle demande pardon, c'est difficile عند البعض d'accepter ses excuses. خاصةً au départ, il faut un certain temps pour certains. Et on a tous des faiblesses par rapport à notre foi. فعلى كل حال لماذا ذكرت هذا؟ Pour qu'on ferme les portes au départ. Préserve l'amour, هذه المحبة الإيمانية que tu as avec tes frères au départ. N'expose pas cette ni'ma à la rupture. لماذا؟ Rappelez-vous du verset قال عز وجل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. C'est une cause de regret. قال ابن حبان رحمه الله ولقد حدثنا محمد ابن سعيد القزاز قال حدثنا عباس ابن الوليد ابن مزيد عن أبي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قال سليمان ابن داود لابنه يا بني إياك والنميمة فإنها أحد من السيف. هكذا نصيحة الصالحين لأبنائهم لأقاربهم. أنه إذا كنسي صنفي سليمان ابن داود يا بني إياك والنميمة أي في attention à النميمة فإنها أحد من السيف. Namima, la médisance, la calomnie, c'est aussi tranchant qu'une lame, qu'un sabre. Anta ta'ammal ce mithal, là où Wahid, il donne un coup de sabre à son frère, un coup d'épée. Famada tatawaqqa' min al-adrar. Est-ce qu'il va rester vivant, cette blessure, cette douleur? Ta'ammal les conséquences. Fa'annamima. Ça peut être encore plus grave. Ça peut causer une déchirure dans un couple, un divorce. Ça peut causer une déchirure, une blessure entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, entre le voisin et son voisin, entre le frère et son frère. قال فإنها أحد من السيف. Ça nous montre la gravité, les dangers de النميمة. قال وأنشدني الكوريزي من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على نعم من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه. أي نعم. Celui qui a cette habitude, الذي ابتلي بهذا الذنب العظيم et qui ne fait pas d'effort pour délaisser ce péché grave, en général, هؤلاء ne délaissent personne. Si, وعلم هذا. Et ça, c'est une faïda très très importante. Anna, celui qui critique les autres devant toi, Annaka, tu n'es pas à l'abri de son venin. L'imam, Anna aussi critique les autres devant toi, il te critiquera devant les autres. Fa'l'ihad a l'importance de ce bab, de ne pas accepter qu'au la ha'oula. Qala, rahimahullah. On passe directement au athar de la page suivante. Qala, akhbarana Muhammad ibn al-Muhajir. Qala, haddathana Muhammad ibn Abi Ya'qub. الربعي قال حدثنا محمد ابن إدريس المعدل عن العتبي قال سمعت أعرابية توصي ابنا لها. Donc العتبي il a entendu une arabia, une femme من الأعراب qui conseillait son fils. فماذا قالت cette femme à son fils, عليك بحفظ السر أولا. Ça nous montre. Et marra ma'ana kathiran dans ce livre, combien d'hommes pieux, de femmes pieuses, de savants, d'imams, de compagnons, de prophètes, alayhim as-salatu wassalam, ils conseillaient leurs enfants. Et ça, c'est très très important. Limada, anzir ashirataka al-aqrabi, limada, lianna, en tant que parent, tu as une énorme responsabilité sur ton fils ou ta fille. Fa c'est min ahaq an-nas bi nushik. C'est pour ça que tu trouves Haoula Kathiran, ils conseillent leurs enfants. Et ta'ammal ala nasa'ih. Alayka bihifz as-sir. Si quelqu'un te fait confiance et il te dit un secret, enfin, ne propage pas ce secret. Wa iyyaka wan namima. Fais attention à la médisance. Fa innaha la tatruk mawaddatan illa afsadatha. Wa la jama'atan illa baddadatha. Wa la dhaghinatan illa awqadatha. Cette femme à la cité. Les méfaits, les conséquences graves de l'namim. Fais attention à la médisance. Pourquoi? La médisance, elle brûle, elle mahabba, comme le feu, il brûle la paille, le bois sec, le bois mort. Hagada, la médisance, elle attaque, elle mahabba dans les cœurs. Qala, wala jama'atan illa baddadatha. Combien de groupes ils ont été divisés à cause de l'namim? Avec cette mosiba, un des réseaux sociaux, tu trouves des groupes dans certaines de ces applications, et une shubha, une kelima, une rumeur, un tel, il a dit un tel, et ça divise tout le monde. Et kathiran, ces paroles, c'est min al-riba wa al-namima wa al-kadib. Qala, ou qalat, wa la dhaghinatan illa awqadatha. الضغينة c'est الحقد, c'est la rancœur. ربما quelque chose d'oublié. مثلا إنسان il a oublié une chose. Son frère il a été injuste envers lui il y a longtemps. ولله الحمد il a oublié. Et ils se sont réconciliés. Ils se sont. كل واحد il a fermé les yeux على كل حال. Et tu trouves نمام من النمامين. Ils rallument cette flamme. Il rallume cette flamme de la rancœur. Et tu trouves, ces deux frères, ils se redivisent. tout ça à cause de Haoula al-Mufsidin. قال أبو حاتم رحمه الله بعد ذلك ثم لابد لمن عرف بها ونسب إلى إلى مقارفتها من أن يحترس من أن يحترس قال هكذا من مجالسته وأن لا يوثق بمودته وأن يزهد في مواصلته ومعاشرته. Ça c'est très important pour nous. لأنه on le répète. Si, Oulillahi alhamd, Allah t'a facilité, tu t'es écarté de ce péché, la médisance, la calomnie, le mensonge, fahdhar de ne pas fréquenter ceux qui sont encore dans cette fitna, qui commettent encore ces péchés graves. Limada, taqaddam ma'ana, annahum, c'est comme des sabres tranchants, c'est comme du feu. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Hakada qala azza wa jalla, ne vous approchez pas des injustes. Les malades, vous pourrez être touché par le feu, tu peux te brûler. C'est de s'écarter de Haoula. Si c'est un proche, le conseil de délaisser Haoula, c'est haram. Il n'y a aucune baraka. Et Sahib al-Namima, il est en danger. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra, il est passé devant un cimetière, devant des tombes. فقال إنهما لا يعذبان. Deux tombes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé إنهما ils se font châtier. Pourquoi? قال أما أحدهما فكان لا يستبر من البول. Un des deux, il se faisait châtier dans sa tombe. Pourquoi? Parce que quand il urinait, il ne se nettoyait pas. Cette chose. Et d'abord, de nas. Il ne donne aucune importance à mettre هذه الآداب النبوية, alors que délaisser هذه النظافة, هذه الطهارة, se purifier, se nettoyer après les besoins, ça peut être une cause du châtiment. Le deuxième, c'est directement lié avec notre sujet. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أما قوله يمشي. C'était une habitude. Un tel, ثم il se déplace dans. On le répète, dans notre époque, tu n'as même plus besoin de te déplacer. À l'époque, il fallait un déplacement. Un téléphone et ça suffit. Il parle avec Wahed, il critique un autre. Il critique un autre. Thomas, cet autre, juste après l'appel, il critique le premier avec qui il vient de parler. Wala yuwali, wala yakhaf Allah. Haoula, ils ont un problème fil iman et ils ont un problème fi al muraqaba. لأن الله عز وجل يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ça montre qu'ils ont une faiblesse fi هذا. Mais celui qui sait qu'Allah il l'entend, Allah il le voit, Allah il a chargé, il a ordonné à des anges de tout écrire, de tout inscrire. Celui qui se rappelle de هذا, ça va le pousser à craindre Allah et à maîtriser sa langue. Là, celui qui tombe fil refle dans l'insouciance et il fréquente Haoula, ça devient normal. L'imam d'ailleurs, Khouan, c'est important. Hada. Anna dhamb fi le bidaya. Le cœur, il a du mal à l'accepter. C'est pour ça que ceux qui assistent à ce genre d'assises remplies de médisances et de mensonges et de calomnies, au départ, la chacune a vu que ça reste des croyants. Ça les met mal à l'aise et ils ressentent cette gêne dans le cœur. وَهَكَذَا جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ Comme il a démontré l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, vidda ou addawa. Et pour montrer la gravité des péchés, rahimahullah, il a démontré, si on ne fait pas attention, au départ, tu vas être très très gêné. Et tu n'accepteras pas ça. Si tu ne fermes pas la porte, tu conseilles. S'ils n'acceptent pas, tu ne t'assois plus avec eux. Si tu continues, cette douleur, elle va disparaître. Ça deviendra une habitude. Et Rabbama l'insan, il s'assoit dans une assise. Mina l'isha jusqu'au fajr. Et c'est de la médisance, de la calomnie. Wala yubali. Ça devient normal. Les péchés, ça devient une habitude. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité ce point parmi les dangers des péchés. Si ça devient une habitude, ça peut amener, pousser un autre péché. Hatta l'insan. Et ça pousse cet être humain à sa perdition. On doit se préserver. Qala rahimahullah. Wa anshadani Ibn Zinji al-Baghdadi رحمه الله يمشون في الناس يبغون العيوب لعيب فيه لكي يستشرف العطب إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. تقدم معنا تذكرون il y a quelques jours, il m'a le dernier dars, il m'a l'avant-dernier dars, nasit. Anna min sifat al-mufsidin. Anna hum yamshuna fi nas. Yabghuna al-uyub. Leur but, c'est pas an-nasiha, c'est pas de réformer, c'est pas de montrer la vérité. Là, leur but, c'est faqat de faire du mal. Leur but, c'est de faire tomber les autres en espérant que ça va les élever eux-mêmes. قال لعيب فيه لكي يستشرف العطب. أحيانا يشخش هكذا دي ديفو خاصة كنت الله سبحانه وتعالى يكرم عبدا من عباده بنعمة إما العلم إما دي زنفان إما دو لارجان إما ان ترافاي مهم quelque chose une نعمة من النعم فبعض الناس يكمنسا شخشي لماذا؟ لأنهم ils ne sont pas satisfaits, ne sont pas réjouis de la réussite de leur frère. إن يعلموا الخير يخفو وإن علموا إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا. Si après leur recherche ils trouvent du خير, ils font tout pour enterrer ce bien. وإن علموا شرا أذاعوا. لكن si ils ont connaissance d'un défaut, d'un manquement, d'un péché de ce musulman, أذاعوا. Et là chaque musulman il a des manquements. وإن لم يعلموا كذبوا. S'ils ne trouvent pas une erreur, un manquement, un péché, enfin, les mensonges. Ça, c'est min a'mal al-mufsidin. Ça, c'est min a'mal al-ashrar. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste al-fasad. La corruption, le désordre, le mal, al-fitna. Et il déteste al-mufsidin. Azza wa jalla. Qala wa haddathani Muhammad ibn Abi Ali. Qala haddathana ibn Abi Shayba Abu Ja'far. قال حدثنا الحسن بن صالح قال سمعت حجين ابن المثنى يقول سعى رجل بالليث بن سعد إلى ولي مصر. الليث ابن سعد أبو الحارث المصري الإمام parmi les grands imams, les contemporains, des contemporains de l'imam Malik عليهم رحمة الله. فهؤلاء c'était les références à leur époque. الليث ابن سعد c'était la référence en Égypte. رأس أهل السنة à son époque en Égypte. Rahimahullah. Comme l'imam Malik, c'était à Ras, Ahli Sunnati wal Jama'a, fil Medina, à Medina. Kala, fassa'a rajulun billayth ibn Sa'd ila wali Misr, faba'tha ilayhi fada'a. Donc un homme, il a essayé de faire du mal à Layth ibn Sa'd. Il est parti se plaindre auprès du gouverneur. Et pour accuser l'imam, Layth. Faba'tha ilayhi fada'a. Donc le gouverneur, il a convoqué Layth ibn Sa'd. فلما دخل عليه قال له يا أبا الحارث إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا. Quand Layth ibn Sa'd il est rentré, donc les autorités, le gouverneur, il lui a dit na fulan, cet homme, il prétend que tu dis, tu fais telle et telle chose. فقال له Layth. Layth il a répondu سله أصلح الله الأمير. Il a dit au gouverneur demande-lui عما أبلغك, demande-lui la compte sur ces informations qui t'a qui l'a prétendu. هو شيء اتمناه عليه فخاننا فيه. Donc il a dit au gouverneur Emma, c'est une chose que je lui ai dite, et bien sûr si je lui ai dit c'est pas pour la propager, s'il l'a propagée il a trahi. قال فما ينبغي لك ان تقبل من خائن. Il a dit au gouverneur, s'il a trahi ce que je lui ai dit, l'a propagé, enfin, tu ne peux pas accepter d'un traître. قال, ou شيء كذب علينا فيه. Deuxième cas, ou il ment sur nous, c'est un mensonge. فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب. Il a dit au gouverneur, et si c'est un mensonge, tu ne dois pas accepter d'un menteur. فقال الوالي, الأمير, après avoir entendu هذا الكلام البليغ المفيد. قال الوالي صدقت يا أبا الحارث. Ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que celui qui propage. Et là, on rentre directement dans le thème de notre dars. Celui qui propage le kalam, Emma, même si c'est la vérité, pourquoi le propager? Ça peut faire énormément de mal. Et dans ce cas, même s'il n'a pas menti, même si ce n'est pas lui qui a commis le péché de la médisance au départ, ça reste un mufsid min al-mufsidin s'il le propage pour al-fitna, pour la division. Et si la parole, on revient au kalam, si la parole c'était haq alors qu'il ne devait pas la propager, c'est un traître, il ne respecte pas al-amana. S'il ment, la calomnie c'est haram. قال أخبرنا ابن جوصة قال أخبرنا ابن جوصة قال حدثنا عبد الله بن هاني ابن عبد الرحمن بن أبي علبة عن أبي عن عمه إبراهيم بن أبي علبة عبلة فلتو جدي علبة لا سعبلة قال كنت جالسا مع أم الدرداء فأتاها آت فقال يا أم الدرداء إن رجلا نالا منك عند عبد الملك بن مروان فقالت إن نؤبا هكذا أو إن نؤبا قال في الحاشية نتهم قال بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا هذا أثر جميل الله أعلم بصحة يسكل عشان دي ترانسميسيون على أوتنتيك لكن على كل حال تستفيد من فائدة عظيمة أن si tu es critiqué injustement فكم من الناس كذلك te complimentent بما ليس فيك. Donc, alhamdulillah. Et ça pousse à l'ikhlas. Ça pousse à la sincérité. Anna, si wahad, il te critique injustement, ça ne te fait aucun mal. Et ça doit te faire aucun mal. Ne donne pas d'importance. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam. Et les gens qui t'aiment vraiment et qui connaissent ta situation, ils n'accepteront pas le mensonge. Les malades, ils te connaissent. Kadhalik, si wahad, il te complimente, bima lay safik, ça ne doit pas te pousser à l'gourour. L'imad al-yanna, ça ne sera pas en ta faveur. Maintenant, il ment, il dit que tu as fait alors que tu n'as pas fait, ça ne te sera d'aucune utilité. Ça nous montre, mada, ça nous montre, anna man haqqaqa l'ikhlas fi qalbi. Et on doit tous faire des efforts pour haqqaqa l'ikhlas dans notre cœur. Notre objectif, ça sera la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Celui qui critique, qu'il critique, celui qui complimente, qu'il complimente. Ça ne change rien en la réalité. La réalité des choses. قال أبو حاتم رحمه الله ولقد أحسن الذي يقول من يخبرك بالشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك ذاك شيء لم يواجهك به إنما اللوم على من أعلمك. هذا كلام جميل. من يخبرك بالشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك. Ceux qui propagent un namime. Ahyanan, wahad, il critique un frère injustement. Riba wa namima, mensonge, calomnie. Ce frère qui subit cette injustice, il n'est pas au courant. Les malades, annahu, c'est de la médisance, donc il n'était pas présent. Wahad, il parle derrière lui, derrière son dos. Tu trouves wahad qui assistait à ce munkar, il se rend vers ce frère et il lui dit tout. Il lui dit, j'étais dans cette assise, un tel, il dit cela sur toi. Celui qui te rapporte, c'est lui qui te critique, pas l'autre. L'autre, sa critique, elle ne t'est pas parvenue. Enfin, c'est comme s'il ne t'a pas critiqué, ça ne te fera aucun mal. Il rendra des comptes, yawmul qiyamah. Amma l'autre, en rapportant la parole, c'est lui qui veut te faire du mal. قال ذاك شيء لم يواجهك به. إنما اللوم على من أعلمك. نعم, l'autre, il n'a pas pu te dire cela en face. Ça montre son manque de courage, ça montre beaucoup de choses. Et لعله كذلك, un certain temps, il va regretter. Probablement, il fait tauba, probablement, il améliore sa situation. أما المفسد, dans ce cas, c'est celui qui rapporte la parole. قال كيف لم ينصرك لو كان أخا ذا وفاء عند من قد ظلمك. Et si vraiment c'était ton ami fillah, ton frère fillah, et il te respecte et il t'aime, pourquoi il n'a pas réprimandé celui qui te critique? Ça montre anna il est ma'a. Et ça montre anna mahabbatahu wa ukhuwatahu fiha ma fiha. كيف لم ينصرك لو كان اخا. C'est pour ça que si on remplace, dans l'exemple qu'on a donné, le frère, ce frère, son ami, par sa mère. Mathalan, Hadal Mufsid qui fait de la médisance, il aurait critiqué la mère de ce frère qui était présent. T'as-t-on, non, il serait tué, il serait parti informer sa mère. Directement, il aurait accusé l'autre. Et il aurait dit, crains Allah, pourquoi tu critiques ma mère, c'est haram, etc. Ça nous montre quoi? Ça nous montre entre le mahabba entre le fils et la mère, c'est une mahabba qawiyya. Une mahabba qui est ancrée dans chaque cœur d'être humain normal. Amma, hadhihi al-mahabba avec ce frère, qui accepte, il accepte d'entendre. Thumma, il vient, il rapporte, hadha. Il a des problèmes, il faut qu'il se remette en question. On répète, كَيْفَ لَمْ يَنْصُرْكَ لَوْ كَانَ أَخَنْ ذَا وَفَاءٍ عِنْدَ مَنْ قَدْ ظَلَمَكَ. On n'a pas besoin de rapporter, بعض المسلمين, ils font cette erreur. Il est dans une assise et il se tait, et il écoute. أولاً, si tu ne peux pas réprimander, lève-toi et pars. Mais avant, il y a quelqu'un te force à rester. لكن البعض, ils restent, ils écoutent, et ils disent rien. بعضهم ils montrent le mouafaqa, des sourires, et qu'un homme, ils sont d'accord. Thumma, quand ils quittent cette assise, directement, ils appellent ou ils se rendent chez l'autre frère et ils lui disent. Ça, c'est min amal al-shayatin, pour diviser les autres. قال إنما رام بإبلاغ الذي إنما رام بإبلاغ الذي نم فيه فعل من أن يغرمك فأهنه إنه من لؤمه إن تهنه بهوان أكرمك لكن الحر إذا أحللته إذا أجللته لم يصغرك ولكن فخمك إلى آخر ما قال هذا الشاعر. على كل حال في attention. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit faire? Awalan, on doit s'écarter nous-mêmes de la médisance. La yatrolul jannata namam. C'est une cause pour être châtié. Yadam billah. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on doit s'écarter de ces assises. Si une assise, des personnages sont connus pour un namima, on doit s'en écarter. Lakin, ahyana l'insan qad yuttar. Si c'est un proche. Et le fait de ne pas s'asseoir avec lui, ça peut causer une mafsada énorme. فَفِيَادَ الْحَالَ الْإِنسَانِ il s'assoit et il conseille autant qu'il peut. هَذَا ثَانِيًا ثَالِثًا si tu ne savais pas, ça arrive. Tu es en compagnie de quelqu'un et tu ne sais pas. Et d'un coup, il commence à parler sur ton frère musulman. خَاصَةً si c'est un ami en commun. فَفِيَادَ الْحَالَ لَا تَسْمَعْلَ arrête-le. Et si tu stoppes la conversation, tu auras fait du bien à ces deux frères. Au premier, لِمَادَ لِأَنَّهُ tu l'as. Tu l'as stoppé dans son injustice. Et tu es la cause, Annahu. Il n'a pas fini ce péché. Et Thanyan, tu le conseilles. Ya Foulani Taqillah. Qu'est-ce que tu parles sur lui? Et il n'est pas au courant. L'imada, tu ne lui dis pas en face. L'imada, tu ne le conseilles pas. L'imada. On a ces trois cas. Et Alhamdulillah, on sera à la khair. Amma, se taire. Thumma, rapporter comme ils font certains. Hada, c'est kathir fin nisa. C'est كثير في النساء. Beaucoup de femmes elles sont touchées par هذا المرض. وهكذا on vit à une époque حتى بعض الرجال ils sont touchés par هذه المصيبة. على كل حال hommes ou femmes on doit tous craindre Allah عز وجل. On doit tous préserver cette langue et on doit tous préserver كذلك notre fraternité. وإلا qu'est-ce que tu espères d'un frère أنه si tu es critiqué on dit même pas il te défend. Là au moins il quitte l'assise. فَهَذَا هَذِي الْأُخُوَى Allez, c'est pas une أُخُوَى رَاسِخَ ثَابِتَ وَاللَّهُ مُسْتَعَانَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدِ بْنُ سَعِيدَ الْقَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنُ خُزَيْمَ الْبَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا نعم أبي حذيفة هنا قال أبي حذيفة الصواب أبو قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير الذي قال الذي يعمله النمام في الساعة لا يعمله الساحر في شهر كلام جميل اي les dégâts causés par un namam celui qui fait de la médisance en une heure ça peut être des dégâts plus importants plus graves que le sahir le sorcier pendant un mois et vous avez remarqué que les deux as-sahir bien sûr c'est un kafir la sorcellerie c'est de la grande mécréance lakin النمام il a un point commun avec الساحر même s'ils sont différents هذا c'est un croyant malgré ses faiblesses et الساحر c'est un kafir c'est ça la base لكن ils ont un point commun c'est quoi c'est الفساد في الأرض أنهم ils sont la cause de fitan et de division et cause la rupture ils peuvent causer la rupture plutôt entre couple entre âmes. فلهذا قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال الله عز وجل هذا في سورة البقرة en parlant des sorciers. أنهم يفعلون des choses, ils apprennent des choses pour causer la division entre l'homme et sa femme. هكذا النمام. بل كما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله بعض النمامين les dégâts qu'ils font c'est plus que les sorciers. Et on le répète قوله عز وجل والله لا يحب الفساد. Et Allah subhanahu wa ta'ala il déteste la corruption sur terre, il déteste les mensonges, il déteste la trahison, il déteste la médisance et la calomnie. قال وحدثني محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا محمد بن الحسن الهلالي أبو عوانة البصري قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال باع رجل من رجل غلاما له فقال أبرأ إليك من النميمة. هذه القصة الله أعلم بصحتها لكن فيها فوائد pour montrer la gravité de la médisance. Donc Hamad ibn Salama, l'imam, rahmatullah alayhi, il a rapporté un rajulan ba'a min rajulin ghulam. Un homme, il a vendu un ghulam à un homme. Faqala abra'u ilayk min an-namima. Et il l'a mis en garde contre an-namima. Annahu, il fait beaucoup de médisance, il fait beaucoup de mal. Fashtarahu ala dhalik. Ils se sont mis d'accord et il l'a quand même acheté. Faja'a ila mawlatihi faqala. Quand il l'a emmené chez lui, donc cet homme qui l'a acheté, il avait une femme. Il est parti voir la femme de son propriétaire et il lui a dit « Inna zawjak laysa yuhibbuk wa huwa yatasarra alayk wa yatazawwaj afaturidina an ya'tuf alayk ?» Na'oud billah. Char wa fasad. Directement, il a dit à sa femme « Ton mari, il ne t'aime pas. Et il fait tout pour se remarier. » قالت نعم. Donc après il lui a dit فَتُرِدِينَ أَنْ يَعْطُفَ عَلَيْكَ. Est-ce que tu veux qu'il t'aime, qu'il ne te quitte pas? Elle lui a dit نعم. قال خذي موسى فحلقي به شعيرات من باطن لحيته وبخريه بها. كانه lui a montré cette forme de sorcellerie. لكن vous allez voir que le but c'était pas la sorcellerie. هو هذا المفسد. Il ne voulait pas cette chose. Il avait quelque chose derrière la tête, quelque chose de plus grave. Al-Muhim, il lui a dit, si tu veux qu'il t'accepte, qu'il ne te quitte pas, qu'il t'aime, tu essayes de raser une partie de sa barbe et au niveau du cou, avec un mousse. Falihada qala khudi moussan, avec une lame. Et t'essayes de prendre quelques poils au niveau de son cou, la partie inférieure de sa barbe, ou bakhirihi biha. Et tu brûles ses poils et ça va être profitable. Dans le même temps, il est parti voir l'homme. Il lui a dit, ta femme, elle te trompe. Et elle fait telle et telle chose. Thomas, il lui a dit, et sache une chose, c'est que ta femme, elle va essayer de te tuer. Elle fait ça. On le répète, même si la qissa Allahu a'lam bi sihhatiha, lakin c'est arrivé ce genre de situation est plus grave. Il l'a informé, il lui a dit wa hiya qatilatuk, elle va essayer de te tuer. Fa turid an yatabayyan lak dhalik, il lui a dit est-ce que tu veux une preuve qu'elle veut te tuer? Il a dit ça à l'homme. Fa qala ar-rajul na'am, le mari, l'homme, il a dit bien sûr. Qala tanawwam laha, il lui a dit fais exprès de dormir. Il lui a dit, va dans la pièce et fais exprès de dormir. Tadhkurun anna lui, hadha al-mufsid, il a conseillé la femme que quand son mari il dormira, essaye de prendre des poils, la partie inférieure de sa barbe avec une lame. On voit le stratagème de hadha al-khabith. Il a dit à cet homme, fais exprès de dormir et tu vas voir. Qala fatana wa malaha, il a fait exprès de dormir. Faja'at bimousan li tahliqa bihi ash-sha'r. Cette femme, elle mesquine, elle a voulu appliquer le conseil de Hadal Mufsid et elle s'approcha avec cette lame pour prendre quelques poils. Qu'est-ce qu'il a cru cet homme? Son mari, il a pensé quoi? À cause des conseils du Mufsid. L'homme, il a vraiment cru qu'elle voulait le tuer. Enfin, il l'a tué. Il l'a vu approcher avec une lame. Enfin, ouais, il s'est défendu et il l'a tué. فجاءت بموسى لتحلق به الشعر فأخذها فقتلها فأخذه أولياؤها فقتلوه. ثم la femme de ou la famille de cette femme, quand ils ont su que son mari il l'a tué, ils ont demandé vengeance et eux-mêmes ils l'ont tué. Enfin, l'homme et la femme, ils sont morts, le couple, à cause de هذا المفسد. Et on le répète, لا تستغربوا. والله بعضهم, ils sont la cause que بعضهم, ils se sont suicidés, بعضهم, ils ont divorcé, بعضهم, ils ont délaissé le din, بعضهم, ils ont fait des choses très très graves à cause de عمل هؤلاء الشياطين. قال أبو حاتم رحمه الله هذا وأمثاله من ثمرة النميمة. Il a cité cette qissa pour montrer les conséquences graves de an-namim. Ça peut pousser au meurtre, au divorce, au suicide. لأنها تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن. On vit à une époque كذلك, et ça s'est propagé عند بعض الشباب, أنهم, ils se font confiance avec leur téléphone, وبعضهم, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala السلام والعافية, ربما ils font الفاحشة الزنا, et ils font confiance à un ami ou une amie et c'est filmé. Thomas, cette vidéo elle arrive dans le téléphone de cet ami. ثم الخبيث أو الخبيثة, ils propagent cette vidéo. هذا c'est du شر et هذا c'est du ظلم. Combien de filles qui sont tombées dans ce haram, et c'est interdit bien sûr الزنا, لكن cette injustice, à cause de leur propre injustice, ça les a poussés au suicide. فحذر أخي الكريم, préserve ton enfant. Ce téléphone, c'est un des moyens les plus dangereux pour propager les rumeurs et la médisance et la calomnie. Et ça peut te faire du mal au sein même de ta famille. Les personnes que tu aimes le plus, tes enfants. Allez, ça ne reste pas firafla. Hakada, il achète ce téléphone à cette fille ou à ce garçon. Et khalas, tout le monde a un téléphone, donc il faut forcément l'acheter. Et thumma al-musiba, il achète ce téléphone et il n'y a aucune vérification, aucune muraqaba, aucune surveillance. Kana, ses enfants, ils vivent dans une bulle, ils sont préservés. Tes enfants, c'est les premières proies de haoula al-mufsidun. Min al-kafara wal-fajara. Qala Abu Hatim rahimahullah. وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع الود وتجدد العداوة وتبدد الجماعة. Comme on a vu toutes les conséquences graves, elle, ça pousse à la rancœur, à la haine, à la division. قال وتهيج الحقد وتزيد الضغينة فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن كانت. Pour conclure هذا الباب, المهم أن si quelqu'un cite une information, ton frère, il a fait, il fait, etc. C'est de le réprimander à ton tour. Lui dire, crains Allah, pourquoi tu parles sur lui? En qadr, il a vraiment fait cette chose. Limada, tu viens, tu m'informes. Qu'est-ce que je vais faire? Là, imma, tu le conseilles lui. Imma, préserve ta langue. Ça y est, on va faire une remarque à la fin. Si dans certains cas il faut parler, il faut montrer pour éviter un mal plus grand, dans ce cas-là on parle. Là à qui on parle, il n'y a aucune maslaha. C'est un péché entre lui et Allah Azza wa Jal. Falima, là tu me le cites. Là conseille-le lui, tu es au courant. Conseille-le, je t'ai vu, j'ai entendu, tu as fait telle chose. Et conseille-le pour qu'il se repente. Ouais, il l'a informé les autres. C'est quoi le but, Ikhwan? C'est quoi le but? On doit se poser la question. Celui qui informe les autres, il voudrait le bien du frère, il connaît le chemin pour le bien. Conseille-le, il fait tawbah, alhamdoulilah, tu as la récompense كذلك, de sa bonne action. Amma, informer les autres, ça montre qu'il ne veut pas le bien du frère. Et ça montre qu'il veut du mal. Qala, rahimahullah, wa qaboul al-udr, idha a'tadhar. Et si il demande pardon, on accepte, comme taqaddam. Wa tark al-ikthar mina al-attab, ma tawtin al-nafs, ala al-shukr inda al-hifad, wa ala al-sabr inda al-dhaya'. وعلى المعاتبة عند الإساءة ثم لا سيتي une autre مسألة ما يتعلق بالعتاب. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن لا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته لأن من لا يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ للخلة. Vu que c'est pas من الآداب الشرعية de propager les rumeurs, de propager les péchés de tes frères s'il n'y a aucune sagesse, aucune hikmah. Fidalik, le wajib, c'est de conseiller ton frère. Ne pas se taire. Il y en a, si on connaît le péché d'un de nos frères, on n'a pas le droit d'aller informer les autres. S'il n'y a aucune maslaha vidalik, ou repousser un char, lakin on doit le conseiller lui. Al-Itab, il a dit Al-Itab, il le réprimander. Craindre Allah Azza wa Jal. Taqaddam ma'ana anna al-afdal, c'est que ça soit birifq, avec douceur, avec hikmah. Il y en a, si c'est un mu'min min al-mu'minin, et il a fait ce péché, enfin, en tant que mu'min, il n'est pas content de ce péché. Zalla, adhaf iman. Dans ce cas, on doit essayer de l'aider, lui montrer la gravité du péché, lui montrer que la porte du repentir est encore ouverte, lui montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. At-tawba min at-ta'ib, celui qui se repent, c'est comme s'il n'avait plus de péché. Wa li kulli maqamin maqal. Et chacun par rapport à sa situation. Ahyanan, il faut de la fermeté, ahyanan, il faut de la douceur, ahyanan, ça dépend, c'est un prochain là. Tout ça, on l'a déjà cité kathiran. Qal. ومن اعتب لم يذنب كما ان من اغتفر لم يعاقب وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد. Ça c'est important. ظاهر العتاب, vaut mieux montrer ton frère, à ton frère plutôt, le conseiller, même si c'est avec de la fermeté. لان احيانا الانسان il se laisse pousser par sa colère et Obama il a des paroles assez dures. Dans tous les cas, on fait pour éviter cela. لكن Al-Itab, c'est mieux que Kitman, Al-Hiqd. Khasatan, si ce problème, c'est entre toi et ton frère. Badoum, ils se taisent. Et ils gardent cela dans leur cœur et ça leur fait beaucoup de mal. Et le fait de garder cela dans le cœur, Kethiran Sapus al-Namim. Il n'arrive pas à parler à son frère et à lui montrer qu'il n'est pas d'accord, qu'il a fauté. Il garde cela en lui. Badoum, yudhir ka'annahu la shay. Le sourire, ou même si son frère lui dit, dis-moi s'il y a quelque chose, il dit là, il n'y a rien. Il garde cela dans son cœur et ça le pousse à namim, à la médisance et à des choses graves. Enfin, chaque chose, on peut la régler. Lakin, on doit régler les choses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné. Ad-dinu nasiha. Ton frère, il a fauté, montre-lui. Ça sert à rien de garder cela en toi, ça va te rendre malade. Ça sert à rien de le critiquer par derrière. Toi-même, tu fais un péché, tu ne règles en rien le problème. قال رحمه الله ورب عتب انفع من صفح. صحيح ان احيانا le fait de réprimander ton frère ولو بشيء من التخشين, c'est mieux que احيانا de pardonner. لماذا لان dans certains cas, si ce frère il refait, le fait de lui pardonner, c'est pas pour son bien et c'est pas en sa faveur. Là, ça peut le pousser, tout le monde lui pardonne, il continue jusqu'à un jour, il fait une musiba. Là, il faut de la fermeté. Et on montre à ce frère, tu t'arrêtes et tu arrêtes de faire cela. Et on le répète, chaque chose à sa place. قال ولذلك أنشد محمد بن إسحاق الواسطي إذا ممرء سأتك منه خليقة فاكتف فكاتمته نعم فكاتمته فالوهن في ذاك تركب لعلك لو عاتبته ثم لمته لسرك حتى لم يكن تتعتب. أي le fait de ne pas parler, c'est pas toujours la solution. أحيانا la solution, c'est de se parler. عتاب, et montrer أنه je suis pas d'accord. Tu lui montres que tu n'acceptes pas cela. Et si vraiment il y a une relation de rouwa entre vous, rouwa imaniya sadiqa, ça peut être que profitable. Amma, toujours se taire, c'est pas la solution. Lakin les doulous précédentes, tadkurun anna al-mu'min, il doit pas enregistrer, réprimander sur chaque fait et geste. Donc, on conclut quoi? Le juste milieu. Certaines choses, il faut pas se taire. Certaines choses, ferme les yeux. Une parole, un regard, alhamdulillah, c'est rien. Lakin, certaines choses graves, surtout quand ça touche au dîn, certains péchés, il faut montrer avec les comportements qu'on a cités. ثم قال رحمه الله وأنشدني الكوريزي فإن تكن العتبة فأهلا ومرحبا وحق لها العتبة لدينا وقلتي وإن تكون الأخرى فإن وراءنا مفاوز لو صارت بها العيش كلت. قال أبو حاتم لا يجب على العاقل أن يناقش على التصحيح على الإعتاب بالإكثار إلى فلاح مارك. C'est pas من الآداب de ناقش dans tous les points. بعضهم ils exagèrent في هذا. العتاب ça peut être profitable. Et conseiller ton frère, le réprimander, lui montrer ses fautes, ça peut être très très profitable. لكن dans tout, chaque fait et geste, même les choses où tu n'es pas sûr, voilà, là, هذا ça fait beaucoup de mal. Enfin, on laisse العتاب pour les choses claires, pour les choses graves. كذلك من الحكمة c'est de commencer par les choses graves. مثلا ton frère, ton ami, il a fait un grand péché et il a كذلك deux trois choses où tu peux fermer les yeux, fais conseiller sur le grand péché. قال مخافة أن يعود المعاتب إلى ما عوتب عليه لأن من عاتب على كل ذنب أخاه فخليق أن يمله ويقلاه وإن من سوء الأدب كثرة العتاب. Donc il a clairement montré هنا أن le fait de réprimander ton frère sur chaque chose, ça peut le pousser à s'écarter, ça peut le pousser à rejoindre le foussaq. النصيحة ça devient trop lourd pour lui et يصيبه الملل. Il en a assez, الشيطان il en profite. ففي هذا الحال يا إخوان il faut de la حكمة. Quand un de nos frères il a des faiblesses, on sent qu'il faiblit, enfin, si le fait de le réprimander ça peut causer cette cassure, في هذا الحال il faut lever le pied. في هذا الحال il faut de la حكمة. هذا الحال essaye de rester avec lui, penser à autre chose, passer à autre chose, essayer de lui citer des choses qui vont lui faire monter son iman. Et quand tu sens qu'il est prêt, alhamdulillah, tu verras que de lui-même, il demandera un nasiha. Tout ça, ya ikhwan, c'est fondé sur l'idl. Il n'y a pas de recette miracle. Maintenant, on peut dire, dans ce cas tu dis, dans ce cas tu dis pas. Ça dépend de la situation, ça dépend de beaucoup de critères. Beaucoup de critères qui rentrent en jeu, beaucoup de facteurs. Enfin, pour comprendre ces choses, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa amalan salihan. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-hikma. Il y en a celui qui a al-hikma. Hikma c'est la sagesse, c'est la sagesse, elle est forcément fondée sur la science. Il saura quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut avancer, quand est-ce qu'il faut reculer. Qala rahimahullah kama anna min a'zami al-jafa tarku al-itab والإكثار في المعاتبة يقطع الود ويورث الصدى. Donc لا إفراط ولا تفريط. On ne délaisse pas un nasiha ou l'itab dans tous les cas, même si ce frère y mérite. Et que d'ailleurs on ne fait pas que cela. فخير الأمور أوسطها. قال وأنشدني محمد بن أبي علي قال أنشدني الصيداوي إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعيش واحدا أو نعم فعيش واحدا أوصل أخك فإنه مقارف الذنب مرة ومجانبه. أي سيم نصيحة أن celui qui pense que trouver quelqu'un qui n'a pas de péché, pas de défaut, il restera tout seul كما تقدم. كذلك أن celui qui veut réprimander sur tout et il pense que son frère il va se corriger sur tout du jour au lendemain, là, il fera beaucoup de mal à lui-même et à son frère. قال إذ أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. قال أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن أبي السائب قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تكثر العتاب فإن العتاب يورث الضغينة والبغضاء وكثرته من سوء الأدب. إلى غابورتي عن علي رضي الله عنه أن المؤمن لا يكثر من العتاب. عتاب أخي réprimander son frère دائما. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as fait cela? إلى آخره. فهذا لا شك أن كما قال يورث الضغينة. ربما الشيطان يبوس ce frère à te détester. الملل كذلك à t'éviter. فالنصيحة c'est pas tout le temps. Et النصيحة c'est à des moments opportuns. Et النصيحة c'est بعلم. Et النصيحة le conseil c'est avec حكمة. Si on fait des efforts pour regrouper tous ces points, vous verrez que un nasiha aura des fruits très très profitables. بل الذين يقعون في الشيء من الذنوب ils ont des faiblesses de foi احيانا eux-mêmes quand ils savent que un tel il a de la science il a de la hikma il est sage il a un bon comportement il sait que s'il parle c'est pour leur bien eux-mêmes c'est eux qui demandent النصيحة فهذا الباب c'est un باب جميل et pour conclure la remarque qu'on avait dit باختصار ان لا يفهم من هذا ان الكلام في أهل البدع والمفسدين الجرح جرح أهل الأهواء والمبتدعة أنه سي دو لا ميديزانس لأن سو شابيتر tu trouves بعض الناس ils l'utilisent pour propager le باطل et pour défendre le باطل أهل البدع كثيرا ils reprochent à أهل السنة aux Salafi أنهم vous faites de la médisance vous avez délaissé personne vous critiquez tout le monde et il se passe sur ce genre de chapitre l'interdiction de parler sur les autres, de faire du mal, de critiquer, etc. Dans ce point, on doit revenir à Ahlul Ilm. On doit revenir au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la voix des sahaba radiyallahu anhu. Al-Hafidh ibn Kathir, rahmatullah alayhi, vit tafsir, qala, wal-ghiba muharrama bil-ijma' wa la yustatna min dhalik. La médisance, la calomnie, c'est interdit bil-ijma'. Ça, il n'y a pas de problème. Les adillah, ils sont clairs. Les preuves, elles sont claires et nettes. قال ولا يستثنى il n'y a pas d'exception sauf ولا يستثنى من ذلك الا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحه on n'a pas le droit donc de critiquer de médire de calomnier اما la calomnie c'est avec le mensonge لكن المهم de parler sur les autres sauf si une maslaha sauf si un profit pour la umma comme le jarh ou le ta'dil la critique des innovateurs, le jarh, et annoncer le conseil. Fafi Adel Hal, on ne dit pas là, ne parle pas, ne conseille pas, c'est de la médisance. Ou ne met pas en garde, c'est de la médisance. Ça, c'est un waf. Bardanas, vu que leur da'wa est fondée que sur les bons comportements, là, qui ne sont pas les bons comportements comme Salaf met en application là, c'est devenu des patients. Les bons comportements, c'est que pour satisfaire les autres, pour pas que le kafir il le critique, pour pas être rejeté. بعضهم كذلك vu que leur da'wa c'est devenu une tijara c'est devenu des affaires l'argent il faut que personne ne s'écarte il faut que personne ne le critique il faut que tout le monde soit d'accord donc ils utilisent ce genre de abwa as-sunni il prend al-adilla كلها بقدر ما يستطيع as-sunni ne fait pas de différence entre ce sujet et ce sujet tant qu'il y a une preuve enfin on a des preuves que la médisance c'est haram parler sur les autres, c'est haram. Et on a des preuves que al-nasiha et la mise en garde, s'il y a un profit, c'est autorisé. Donc, en regroupant toutes ces preuves, qu'on ne citera pas ici, on l'a déjà cité dans plusieurs durous, on citera al-ijma', c'est suffisant, c'est une preuve, l'unanimité. Donc, avec tout cela, donc on n'a pas le droit de médire, de parler sur un musulman s'il n'est pas présent, sauf s'il y a une maslaha. Maintenant, c'est un voleur. الإمام النووي رحمه الله dans رياض الصالحين il a cité l'ijma أن الغيبة والنميمة c'est haram sauf dans 6 points il a cité منها النصيحة والتحذير والجرح والتعديل l'unanimité des savants على هذا مثلا dans ta rue un voleur tu sais qu'un des voisins c'est un voleur et il ne veut pas s'arrêter il a été conseillé et il vole tu sais qu'un de tes voisins il va aller en vacances tu ne le conseilles pas là فيها تلحل heureusement que tu le conseilles et tu le cites tu dis attention un tel c'est un voleur Vous allez partir en vacances, faites attention, il peut vous voler. Dans ce cas, ce n'est pas de la médisance. Bel semina al-nasiha. Al-imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, comme fi tabaqat al-hanabila, qala la ghiba li ashab al-bida'. Les innovateurs, il n'y a pas de ghiba. Mais on garde une seule condition, akhil karim, parle bi'ilm. Un seul point important, akhil karim, demande à ahlul ilm. On a un autre problème, on a le bar des critiques des personnes au nom de ce fondement et c'est pas des innovateurs ça reste ton frère sunni c'est pas tous ceux qui commettent une faute ou ils sont pas d'accord avec nous c'est des mubtadi'a ça c'est min al-ghulul ya ikhwan la al-mubtadi' c'est celui qui khalif un asl min sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est ça al-mubtadi' c'est celui qui khalif sunna amma il nous khalif nous bah peut-être que c'est lui qui a raison et al-ulama قديما وحديثا يختلفوا dans des مسائل Alhamdulillah, le manhaj, c'est le même. Manhaj al-sunnah, al-salafiyya. Alhamdulillah, l'aqidah, c'est la même. Aqidah tout salaf qui est fondée sur le Coran wa al-sunnah. Amma al-mubtadi'. Ça ne veut pas dire qu'on se lâche et on critique quand on veut. Bihaq wa bi'ilm. Al-adl, y'adilo. Comme a qala azza wa jal. الإمام ابن تيمية رحمه الله في كما في الفتاوى قال وقال بعضهم لأحمد بن حنبل أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. ابن تيمية رحمه الله il a rapporté أن un homme il a dit à l'imam Ahmed يثقل أي j'ai du mal à dire un tel c'est un كذا un tel c'est un جهمي un tel c'est un معتزلي un tel c'est un innovateur. Il avait ressenti une gêne كأنه ça fait partie de la médisance. فقال الإمام أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ Ça nous montre أن أحيانا il faut parler لماذا لأنه هي المصلحة عظيمة. Si tu te tais et je me tais, comment les gens ils vont savoir? مثلا un imam dans un masjid qui propage البدعة والشر. بل بعضهم يبروباجوا الزندقة الواضحة. Et on se tait. Si on parle là, pourquoi vous le critiquez? C'est un imam. Personne n'a dit que ce n'était pas un imam. Lakin, ça reste un être humain, il fait du shor. Enfin, si on peut mettre en garde, et ça n'implique pas un mal plus grand, on met en garde pour préserver nos frères de cet égarement. Vous avez remarqué que Haoula, il regarde souvent le côté des égarés. Vous savez pourquoi? Il y en a en général ceux qui les défendent, ils sont comme eux. Et ils oublient l'autre côté. Maintenant, il dit, pourquoi vous le critiquez, c'est un musulman. Et nous, on lui dit, pourquoi tu critiques pas? Pourquoi tu penses pas à tes frères musulmans qui risquent d'être égarés? Ça nous montre à ceux qui les défendent. On parle bien sûr avec connaissance de cause. C'est qu'en général, ils sont ensemble. قال ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. C'est une obligation. Pour celui qui a le قدرة. Bien sûr, فرض كفائي. Wajib kifai. C'est une partie de la communauté allemande. Regarde, alhamdoulilah, ça suffit. Donc c'est une obligation selon l'unanimité des musulmans de mettre en garde contre les égarés. قال حتى قيل لأحمد ابن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Ils ont demandé à l'imam Ahmed, un homme qui fait le salat, qui fait l'i'tikaf, qui jeûne, est-ce que c'est mieux qu'un homme qui critique les innovateurs. فقال احمد رحمه الله عليه اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم في اهل البدع فانما هو للمسلمين هذا افضل. Si il fait salat, il jeûne, il fait l'i'tikaf, etc., c'est des bonnes actions pour lui, c'est restreint son bien, il est restreint à lui et c'est des bonnes actions. Lakin si il critique اهل البدع pour mettre en garde la communauté, pour être une cause pour que la communauté soit préservée de l'égarement, فهذا son effort il est pour toute la communauté. Voilà, chacun a sa situation, elle est meilleure. ثم قال ابن تيمية رحمه الله ولولا ما يقيمه الله لدفع الضرر هؤلاء أي المبتدعة لفسد الدين. On ne doit pas oublier هذا. Si Allah subhanahu wa ta'ala il n'avait pas guidé, n'avait pas facilité aux savants du jarh wa ta'dil pour mettre en garde contre les égarés, لفسد الدين. كما قال الإمام الذهبي رحمه الله لخطب الزنادقة على المنابر. Tu trouverais des zanadiqa partout le vendredi et les dorous et des livres et le musulman il pourrait plus différencier entre le muhiq et le mubtil et il y aura un fasad عظيم. فكم ولله الحمد استفدنا من كلام العلماء من كلام أئمة السنة. Faites attention à un tel, ne lisez pas d'un tel, c'est pour notre bien. Une chose qu'il faut c'est que ça soit à l'aïe. Ce n'est pas toutes les critiques qui sont acceptées. Si c'est à l'ilm, alhamdoulilah. Si la critique elle est détaillée avec ilm, avec les sources, alhamdoulilah, c'est un bien. L'essentiel, ce n'est pas un mensonge. L'essentiel, ce n'est pas de l'injustice. قال وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. حتى ابن تيمية رحمه الله il a montré le danger de هؤلاء. Le danger de Haoula pour la communauté, leur danger est plus grave que l'adou al-zahir, que l'ennemi clair, juif, chrétien, mouchrik, ou là ils essayent de faire du mal aux musulmans, et leur mal il est clair. Maintenant tu trouves, alhamdoulilah, un même une amie déteste les juifs, c'est ça la base. Adou zahir, khubata, dhullal, on les déteste, walillahi alhamd. Amma hada al-adou qui est à l'intérieur, ce munharif, ce mubtadi', il va attaquer les cœurs avec des choubas. Amma al-adou al-zahir qui vient de l'extérieur, il va attaquer le musulman, c'est bien, peut-être une guerre avec des armes, il va lui faire du mal, il va lui blesser. Amma le cœur, walillahi alhamd, il est fi salam, c'est ça la base. Donc vous avez vu la différence, malgré que la shakan al-kafir, c'est un kafir. Et ce mubtadi', ça peut rester un musulman, lakin on parle min hayth al-dharar. Son danger, il peut être plus grand que le danger d'un kafir dont la situation, elle est claire. Et l'ulama, wallahi alhamd, ils ont rapporté l'ijma' anna critiquer les innovateurs, c'est autorisé et ça ne fait pas partie de, ça fait pas partie de la médisance, wallahi alhamd. Enfin, cette remarque, elle était importante pour clôturer ce chapitre. Et on le répète, anna sunni, al-salafi, il doit écarter les bons comportements en se basant sur les, la voix des salafs. Pas en se basant sur les sentiments. Pas en se basant sur les ennemis de l'islam. Les ennemis de l'islam, ils veulent et ils aiment que certains comportements ils se propagent. Mais il y en a eux-mêmes, ils en profitent. Au nom de la liberté, au nom de... On n'a pas besoin d'ahnou de hada. Les bons comportements fondés sur le kitab ou le sunnah, et forcément c'est un bien. On doit faire attention de l'égarement. Penser que certains comportements, s'ils sont propagés, c'est un mal. Na'oudou billah. Na'oudou billah, c'est cité dans le Coran ou le Sunna, c'est forcément un bien. Et ça, c'est la différence entre l'étude d'un sunni qui veut apprendre des bons comportements et l'enseignement d'un munharif qui veut propager son égarement au nom des bons comportements. Ou alhamdoulillah, et on passe au deuxième dars, inshallah ta'ala.